Chères auditrices et auditeurs, chaleureusement ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz, lundi à partir de 21h30 ou également à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec les podcasts, les playlists et puis pas mal de bonus et de liens et de choses à aller voir et écouter. Cette semaine, comme toutes les semaines de l'été, je vous propose des spéciales autour des labels. Ce soir, une invitation au voyage à Haugesund sur la côte ouest de la Norvège avec une thématique autour du label Hubro, la firme du hibou. En effet, Hubro, ça veut dire grand-duc en norvégien, label fondé à la fin des années 2000 par Andreas Melland, pianiste, guitariste, qui s'occupait précédemment du label Safe as Milk qu'il avait initié au début des années 2000 et qui s'illustre déjà par son grand éclectisme. Il avait aussi officié au sein d'un autre label électronique du nom de Melectronic, et également été producteur chez ECM pour la Norvège et pendant une courte période au sein du label Rune Gramophone, ce qui n'est pas très très étonnant. Il y a une parenté assez évidente au niveau des ambiances atmosphériques et méditatives autour du doom jazz, des expérimentations sonores, des scènes créative des improvisateurs norvégiens et toujours des pochettes au visuel assez épuré, en général des paysages norvégiens dans la brume. Je propose donc d'attaquer cette thématique autour du label Hubro avec peut-être les deux disques qui m'ont fait découvrir ce label ou en tout cas m'y intéresser très fortement. Et on va démarrer avec Cakewalk qui est un power trio ultra motorique avec une très belle approche du rock free et improvisé dans lequel on retrouve le guitariste Stefan Meidel qui a d'ailleurs aussi publié des disques solo chez Hubro. Et on attaque avec le premier disque qu'avait sorti cette formation guitare, basse, synthé, batterie et effet, Cakewalk, le disque Wired. C'était sorti à l'époque en février 2012, le morceau Glass. Thank you. Thank you. avez entendu le chant du hibou ou du grand-duc norvégien, le fameux Hubro, le label à qui nous consacrons cette spéciale ce soir. On a démarré avec les deux disques qui m'ont fait prendre conscience que ce label était vraiment totalement dans l'esprit des musiques de traverse diffusées dans cette même émission. On a démarré tout d'abord avec un trio plutôt rock, guitare, basse, synthé, batterie et effet, avec un côté un peu post-kraut, avec pas mal de textures chargées pour Cakewalk et ce disque Wired qui a été publié en février de l'année 2012 sur l'étiquette Hubro Records, le label norvégien. Ils avaient récidivé d'ailleurs un an après avec un disque qui était un tantinet moins réussi, en tout cas à mes oreilles, sous le nom de Transfixed. Et puis on a enchaîné avec l'excellent premier disque solo du batteur Erland Dahlen, également norvégien lui aussi, qui fut accompagnateur de pas mal de gens, notamment de Nils Petter Mølver à Mike Patton. Et ce batteur et percussionniste s'était fendu lui aussi de deux albums aux éditions Hubro. Le premier Rolling Bomber qu'on écoutait était vraiment phénoménal, un mélange d'ambiance un peu hypnotique comme celle qu'on entendait, également des titres un peu plus sur les textures de percussion, mélangeant tout autant steel drums, log drums, des batteries et des percussions fabriquées aussi à partir de cartouches de bombes, je crois, ou de pistolets, ce genre de choses. Et puis pas mal d'autres sons comme du flexaphone qu'on entendait sur le titre de cet album Rolling Bomber. Le deuxième était un tantinet moins réussi, un petit peu plus space rock ambiante et aussi un peu motorique sur les bords également. Donc le label Hubro, fondé à Haugesund dans l'ouest de la Norvège, sur la côte ouest, toute petite ville où habite Andreas Melland, qui est quelqu'un qui a des oreilles assez affûtées. Alors on pourrait penser que c'est un label qui est plutôt dans le jazz contemporain, mais pas du tout. Il ne veut pas du tout se laisser encarter dans ce genre d'image. Et ce label qui a publié une soixantaine ou soixante-dizaine de disques en un peu moins d'une petite demi-douzaine d'années nous a prouvé qu'il y avait énormément de talents totalement méconnus au doux pays de la Norvège. Et on va pouvoir s'en rendre compte avec une autre production, cette fois-ci très très récente, qui est sortie au printemps dernier, où on va retrouver le guitariste de Cakewalk, qui a sorti aussi d'ailleurs un solo aux éditions Hubro sous le titre Cascade en 2014. Mais là, je propose de le retrouver au sein d'un duo, donc guitare-batterie. Ça s'intitule Strings and Tampani. Et le titre que je propose de cet album Ifen fait pas mal penser à un genre de musique peut-être pour danser. Préparez-vous donc à une séance de gym tonique ou de zumba ou tout ce qui vous plaira avec Strings and Tampani. Thank you. Thank you. Vous êtes toujours dans les îles le plus sûr avec cette petite spéciale estivale autour des activités du label norvégien Hubro Records. On a démarré avec un genre de disco à la norvégienne et le projet Strings and Tampani et le disque qui vient tout juste de paraître, Ifen, dans lequel on retrouvait le guitariste de Cakewalk, Stefan Meidel, aux côtés d'Oyving Egglunde, m'excuse pour la prononciation, qui fait aussi partie d'ailleurs de Building Instruments, qui est un trio voix, clavier, électronique, batterie. Alors, il faut dire que les activités du label Hubro le conduisent à publier pas mal de projets dans lesquels on retrouve un peu toute la même scène musicale contemporaine de jazz mutant et de traverse norvégien. Pas mal de gens qui se combinent pour faire différents projets. C'est un peu une genre de famille musicale à part entière qu'a constitué Andreas Melland. Dans Strings and Tampani, on trouve un membre de Building Instruments. Et pour rester en famille, je vous ai passé juste après Splash Girl, qui est peut-être l'un des groupes phares de Hubro, puisque c'est la première signature. Et on écoutait d'ailleurs le premier disque qui était sorti sur Hubro Records en 2009 sous le titre Arbor. C'était le deuxième disque de ce trio mélangeant des claviers un peu traficotés, également des guitares avec différents effets de ring modulation et puis de la batterie. Et c'est assez étonnant comme formation. Ils ont sorti 4 disques au total sur Hubro, donc une belle fidélité. Bon, on écoutait un titre peut-être un peu répétitif et peut-être pas le plus significatif de Splash Girl, en tout cas un extrait de la toute première référence de Hubro, le disque Arbor. Et on va continuer avec une autre formation peut-être assez atypique aussi par rapport aux activités de Hubro, parce que là on est vraiment dans le rock noise le plus total, ce qui n'est pas vraiment la coloration classique de Hubro. Moon Relay, qui est un excellent projet, un quatuor norvégien, qui avait sorti son premier maxi aux éditions Hubro Records en 2013. S'en était suivi un disque long, sur lequel on retrouvait d'ailleurs le titre qu'on va écouter tout de suite, qui figure en version assez différente sur ce maxi qui était sorti à l'époque, je crois, en édition assez limitée. D'ailleurs, c'est certainement complètement épuisé, ce maxi vinyle de Moon Relay. Je crois que c'était sorti aussi pour le Record Store Day. Moon Relay va sortir un nouvel album à la rentrée. Il va s'intituler Full Stop, etc. Mais je propose, sans plus attendre, d'écouter cet excellent titre de la formation Moon Relay et le morceau So not it. We'll be right back. On a démarré cette séquence du bronification avec deux belles cuvées du label norvégien Hubro. Tout d'abord Moon Relais, qui est un excellent projet un peu post-industriel qui mélange de la surf et de la no wave, deux guitares, basse, batterie et pas mal de trituration. Ils avaient sorti ce maxi à l'époque aux éditions Hubro en 2013, maxi bien évidemment épuisé à ce jour, mais vous pouvez trouver une version de ce titre sur leur premier album long qui était sorti un an et demi après. Alors c'était pas sorti chez Hubro, par contre le label d'Andreas Melland va produire leur nouvel opus à la rentrée prochaine, donc on écoutera ça bien évidemment avec grande attention et on vous proposera ça à partir de la rentrée. Et on a enchaîné avec une autre formation sous le nom de Astrosonic, un trio clavier basse batterie avec la section rythmique de Bushman's Revenge, qui est une formation un peu post-prog qu'on connaît pour des disques publiés aux éditions Rune Gramophone. Et donc Astrosonic qui s'était fendu de ce Come Closer and I'll Tell You à la rentrée de l'année 2013, et ça nous avait bien tapé dans l'oreille ce disque de Astrosonic. C'est vraiment très bon de bout en bout, comme la plupart des productions du label Hubro Records. Alors on écoutait principalement des choses assez rock. Il faut dire que Andreas Melland est également musicien et guitariste de surcroît, donc il s'intéresse beaucoup à ce qui peut se passer dans le domaine de la pop noise rock un peu barré, tout autant que du jazz contemporain, puisqu'il est aussi pianiste et avec des antennes, on va pouvoir s'en rendre compte avec le trio qui va suivre. Il s'agit de Huntsville, qui est la réunion entre le percussionniste Ingar Sash, très connu pour être producteur aussi de disques de musique improvisée sous son étiquette Sofa Music, Ivar Grideland, guitariste et électro-acousticien, qui a une grosse carrière dans quantité de formations, notamment le projet Dans les arbres aux côtés de Christian Wolmrod, Ingar Sash également et Xavier Charles. Il officie aussi au sein de pas mal de projets de musique improvisée en tout genre, et ce depuis le début des années 2000. Et le troisième larron de Huntsville, c'est Tony Klupfstein, qui est un petit peu moins connu, mais c'est aussi un musicien qui joue dans différents projets, notamment le combo No Spaghetti Edition. Et tous les trois, ils ont fait paraître pas mal de disques, 5 au total, le dernier étant d'ailleurs sorti en courant de l'année 2015 aux éditions Hubro sous le titre Pond. Ils avaient sorti aussi les deux premiers chez Rune Gramophone. On va écouter le premier album de Huntsville, Four Flowers, Cars and Merry Wars. Premier disque donc pour Hubro, 15e album pour ce label. C'était sorti en 2011 et comme toujours des ambiances cinématiques à rallonge avec un côté aussi un peu psychédélique post-kraut, tout ça nimpé d'une ambiance un peu à la The Next, le trio australien. Donc des musiques un peu cycliques, un peu bizarres et avec de la texture assez chamarrée. Vous allez pouvoir en rendre compte avec ce titre de Huntsville, Four Flowers, Cars and Merry Wars. Thank you. Thank you. aperçu de la musique de Huntsville, une musique hantée norvégienne qu'on retrouve sur le label Hubro Records, à qui nous consacrons cette spéciale dans les îles Plus ce soir. Huntsville, donc Ingar Sash, Tony Klupften et Ivar Grideland. Là, c'était la première production en date, mais leur troisième disque, le titre Four Flowers, Cars and Merry Wars. Le dernier album s'intitulait Pond. Il est un tantinet en dessous, je trouve, de cette production assez phénoménale de Huntsville. D'ailleurs, celui qui avait suivi aussi sur étiquette Hubro Records, qui s'intitulait Past Increasing, Future Receding, était tout aussi bon et tout aussi hypnotique. On va continuer avec un projet dans lequel on retrouve Ivar Grideland, le guitariste de Huntsville, à qui Hubro a déplié le tapis rouge, puisqu'ils ont sorti quantité de projets avec ce musicien, notamment des solos sous le titre Bathymetrix Modes, ou encore des projets en compagnie d'autres musiciens tels que Finland. Mais là, je propose d'écouter Balrog, qui est un jeune duo Balrog qui avait sorti également des disques sous d'autres labels, notamment le label Bolage. Et pour son troisième album, ils se sont adjoints les services de monsieur Grideland. L'album s'intitule Cabin Music, c'est sorti en 2012 et c'est l'un des rares projets avec un saxophoniste pour l'étiquette Hubro Records. Et je propose d'écouter sans plus attendre un bout de ce disque Cabin Music, un genre de country suédoise par ces trois Norvégiens, comme ils aiment eux-mêmes à le dire. On écoute ça tout de suite. Thank you. to the hinges. Singing some of the songs. Triplette de titres enchaînés du très chouette label Hubro. On a démarré tout d'abord avec les excellents Balrog en compagnie d'Ivar Grideland sur ce disque Cabine Music qui était sorti en 2012. Puis on a enchaîné avec la formation Lapfield dans laquelle on retrouve Ingar Sash, toujours assez présent dans les productions Hubro Records, aux côtés du guitariste David de Stakenas et de bidouilleur électronique et également guitariste de Milan, Giuseppe Yelasi. Pas très étonnant de le retrouver au sein du label Hubro. D'ailleurs, c'est lui souvent qui masterise les productions du label d'Andreas Melland. Et donc là, il s'agissait d'un CD produit sous le titre Bucket of Songs, sur lequel on retrouve d'ailleurs aussi la chanteuse Maria Valentin, qu'on a pu croiser au sein du Fire Orchestra sur quelques titres. Je crois qu'elle fait même partie à part entière de Lapfield désormais. Donc une palette de sonorités chatoyantes entre improvisation et électronique. Et on a terminé avec l'incroyable disque du Trondheim Jazz Orchestra en compagnie du guitariste Kim Mir et de la chanteuse Jenny Ashfall, dont on avait pu admirer les talents sur son excellent disque aux éditions Sacred Bones Records Apocalypse Eclipse Girls, sorti à la saison dernière. Et donc ce CD Trondheim Jazz Orchestra avec Kim Mir et Jenny Ashvall, qui est vraiment fantastique, entre Spoken Words, Sprechgesang, et ce CD donc qui s'intitule In the End, His Voice Will Be the Sound of Paper, est sorti au printemps dernier et il fait suite à plusieurs disques du Trondheim Jazz Orchestra, notamment aux côtés de Christian Valumrod dans les productions Ubro Records. Et ça me fait beaucoup penser à ce que pouvait produire par exemple Michael Mantler, un petit côté beckettien sur ce disque également du Trondheim Jazz Orchestra en compagnie de Jenny Ashvall et de Kim Mir, qui lui également doit sortir un album solo à la rentrée du mois de septembre sous étiquette Ubro, sous le titre Bloom. Il y a d'ailleurs un long extrait que j'avais prévu de vous passer, mais l'heure tourne, Milk Run Sky, qui est écoutable sur leur site. Mais je vous propose d'enchaîner avec une formation plutôt de doom jazz ou de trash noise free, Space Monkey, avec le disque The Carmen Line, qui est sorti au printemps 2015 et dans lequel on retrouve pour ce duo clavier électronique et batterie des membres des Bushman's Revenge et autres Shining ou encore Puma. On va écouter le titre Meanwhile in a Galaxy Far Away par les Space Monkey. Thank you. Cette descente dans le maelstrom du disque Inner Earth de Moister qu'on referme cette spéciale Ubro. Moister qui a publié 3 disques et qui est la réunion entre le saxophoniste d'Ultralead Kjetil Moister en compagnie des musiciens de Super Silent et Motor Psycho. Un excellent projet dans les triturations électroniques matinées de sax et de jazz de traverse. Voilà, j'espère que cette spéciale Ubro vous aura donné envie d'écouter leur production. Sachez qu'ils sont désormais distribués en France par Outzer. Voilà, la semaine prochaine, une autre spéciale autour d'un label belge qui répond au nom d'El Negocito Records. Je vous rappelle que cette émission est entièrement réécoutable et podcastable à partir du site asile35.blogspot.fr. Et on se termine avec un électroacousticien, ou plutôt un musicien ambiante, puisqu'il a joué aux côtés de Brian Eno, David Sylvian et autres John Hassell. Il s'agit de Eric Honoré. On écoute un extrait de Heliograph pour terminer cette spéciale Asile le plus sûr. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. story. Yeah. But can't tell it. Can't tell it. There's something about you. Keep you here in my mouth, even the vowels. It's impossible. It's just impossible. Even the water is nothing but the soft pillow of a coffin. Step.